moi. Tu me dévisages comme un inconnu, à croire que tu n'as plus de sentiments. À mes messages, tu ne réponds plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on s'était promis la belle vie, y'a Henri. Je te suis, toi tu me fuis. C'est comme s'il y avait plus de magie. Elle m'a laissé tomber. Cette fille,